D'après la presse sud-coréenne Yonhap News, le Conseil des familles du 16 avril, Organisation des familles des victimes de la catastrophe du paquebot Sewol et la solidarité du peuple pour l'engagement du 16 avril ont tenu le 20 courant une conférence de presse devant le siège du Parlement à Séoul pour demander l'adoption par le Parlement du projet de révision de la loi spéciale sur le paquebot Sewol.